Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Tester Alpha. Shadow QC. Arcade Rétro. Pour le podcast Accro, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. Super. Très très bien. C'est le podcast des Accro. Eh oui. Superbe. Alors. Superbe. Content de vous entendre. Comment ça va, vous autres? Quoi de neuf? Ah, du résolutions à apprendre à respecter, comme faire plus de gaming. ça s'avère difficile, ça. Écoute, quand tu dis fuck off, puis que tu veux arrêter de en fond, tu casses ta rosine, puis tu dis tu veux gamer, mais écoute, t'es motivé, fait qu'il y a rien qui t'arrête. Ouais, même pas le sommeil. Ah, c'est brave. Ouais, c'est ça qui prend le bord ces temps-ci pour moi. Là. Ouais, c'est ça. Colin. C'est toute la saison, hein, en fait. Ouais, en fait, ben ouais. C'est pas juste ces temps-ci, c'est tout le temps, ça. Mais est-ce que t'as des raisons, Tester Alpha, d'avoir de la misère à dormir de même? J'ai pas de misère à dormir. Ah, d'accord. C'est pas ça du tout, c'est le temps qui manque. C'est le temps qui manque pour dormir. Ben ouais, c'est... Quand je suis dans mon lit, je m'endors, c'est pas long, là. C'est juste qu'il y a juste 24 heures dans une journée, Colin. Et qu'est-ce que tu fais à passer les journées à 30 heures, man? Et qu'est-ce que tu fais à part dormir quand t'as pas le temps de dormir? Qu'est-ce que je fais à part. Ben, je joue. C'est on ça. On travaille. Il mange, il chie, il travaille. Des détails. Ah, oui! Ben oui, Ben. Ben ah, oui. Mes ben autres fluides de la vie. Fluide. C'est pas fluide. Aïe. C'est pas. Ben écoutez, moi aussi, c'est le travail. On game un petit peu quand on a le temps et on essaie de regarder des Netflix le plus possible. Non, ouais. Et oui. T'as du temps de même, toi. Oh. Ah, ça arrive des fois que j'ai du temps. J'ai du temps pour un Tanuka. Et Tanuka! Allô! Yo! Alors, bienvenue Tanuka, désolé, on a commencé un petit peu sans toi. C'est pas grave, c'est moi qui est en retard. Ah, c'est correct. Alors, Tanuka, de ton côté, quoi de neuf? Pas grand-chose, là. Je recommence l'université, puis c'est aussi pas grand-chose qui se passe pour vrai. Là. J'ai hâte au GNM. Oui, ouais. C'est très bientôt. Dans deux fins de semaine, finalement. La fin de semaine. Ben ouais, 24-25-26. Ouais. Pas la fin de semaine qui vient, l'autre d'après. Qui fait que c'est le meilleur moment des accros pour venir voir la plupart des membres de la gang qu'on va être présents. Alors, soyez la bienvenue. Et en même temps, on a une petite annonce à vous dire. C'est pas encore sur l'horaire officiel du GNM, mais les accros des jeux vont faire un podcast live lors du GNM de cette année. Ça va avoir lieu le samedi à 14h. Et t'as l'heure, toi, Colin. Ben, j'ai demandé 14h. Il est censé m'avoir le 14h. OK, c'est pas confirmé, là. Ben, c'était confirmé par les deux officiels. C'est juste pas encore mis sur le site. Mais c'est censé être le 14h, à moins d'un changement exceptionnel. OK, c'est bon. C'est bon. Alors, on va gosser les officiels pour qu'ils s'arrangent. Que... Et il a vu que c'est annoncé officiellement, il est pas censé changer. Hein, mon Luc Biron? hein? Comprendre, là. On l'a. Fait que si jamais vous voulez venir nous voir et nous rencontrer à Gatineau, ben vous pouvez aller sur le site internet du GNM, GNM.ca. Alors, ça va être, on va être à peu près toute la fin de semaine, fait que ça va être le temps idéal pour venir nous dire un petit coucou et peut-être d'avoir un autographe de Tester Alpha ou une baffe à gueule de juste un gamer. Vous pouvez frapper Beto. Un câlin d'antithèse. Ok, donc tu sais, ça vaut de l'or, pis t'es gratuit. J'ai un French d'arcade. Ok! T'as monté tranquillement, fallait le dire. À quoi vous jouez ces temps-ci? Le chien n'est pas d'accord. Mon chien, attendez une minute, là. Et je vais commencer avec Arcade. Est-ce que t'as le temps de jouer un petit peu ces temps-ci? J'ai joué, c'est quoi le jeu qui est gratuit sur Xbox Live? C'est Destroy All Robots, c'est ça un jeu? Sleeping Dog? C'est Sleeping Dogs présentement. Ouais. Non, mais juste avant, c'était Destroy All Robots, puis là il y a Sleeping Dogs. Il va y avoir Tomb Raider, je pense, à la fin du mois. Mais c'est pas mal les deux jeux que j'ai joué un petit peu plus longtemps. Destroy All Robots, c'est comme un petit, ça ressemble à Metal Slug un peu, là, qui tu mènes de côté, tu butes un paquet de robots, et c'est assez addictif. Malgré le fait que tu peux dépenser de la vraie argent dedans. Et Sleeping Dogs, un petit peu, j'ai embarqué, mais pas très, très. J'ai eu de la difficulté. C'est pas mal les deux jeux que j'ai joués, je te dirais, dernièrement, sauf les jeux pour les reviews à venir. Que je garde. On garde ça secret. Shadow, de ton côté, est-ce que tu as eu le temps de jouer un petit peu? Oui, mais des vieilles bébelles, Smite, comme toujours, un peu blol une fois de temps en temps, parce que j'essaie de monter une équipe avec des amis, mais c'est assez dur. Fait que sinon, pas tant que ça. Ok. Plutôt que les montages. Antithèse? Le lab des Simpsons sur l'Android. Écoute, en ayant racheté... En ayant acheté Devil May Cry 1, 2 et 3, j'ai commencé à jouer à Devil May Cry 1 et 2. Anarchy Reigns sur PS3 qui m'a surpris. Metal Gear Rising que j'aime bien également. Super Smash Bros. Brawl, que j'essaie d'en prendre de mettre dedans pour le Super Smash Bros. 3D qui va sortir. Je pense que le livre va sortir pour l'été ou pour l'automne de 2014, je ne suis pas sûr, mais je vais mettre dedans. Quand j'ai dit que une résolution, c'est la plus de gaming, ben c'est ça, c'est entre autres ça. C'est les résolutions de faire au moins une heure de gaming en soirée. C'est bon pour le moment. Ok. Tanuka, toi, est-ce que tu as le temps de jouer un petit peu? Ben oui, puis là, je suis comme en début de session, pour l'instant, c'est encore assez veg, fait que là, ben, évidemment, je joue à Zelda, vu que je l'ai à Noël. Puis sinon, j'ai comme eu un trip de Smash Bros. Melee, moi aussi, soudainement, là. Mais pas Brawl Melee, c'est ça. Puis quoi, je joue aussi, fait. Je pense que c'est comme ça, là. A Link Between Worlds, Tanuka? Hein? A Link Between Worlds? Ben oui, c'est ça que c'est mieux que j'ai à Noël, là. Oui, c'est incontournable, là. C'est rouge. C'est magnifique quand même. Ben oui. Mm-hmm. Et qui a le prix de la fameuse habitude de mettre un couteau directement sur sa 3DS. Ouais. Juste un gamer de ton côté. Moi, je prépare. Ben, j'ai joué à plein de jeux pour mes prochaines vidéos. Là. D'ailleurs, je suis en super grosse production de Mongol. J'ai comme genre 6 vidéos déjà de près. Là. Fait que, je suis prêt pour la moitié de l'année déjà. ouais. Je te dis, là, j'ai eu du temps durant le temps des fêtes. J'ai joué à Yoshi's Cookie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ça. C'est bon. Ouais, puis là, j'ai commencé Blue Dragon sur Xbox 360. Oui, jamais joué. Je l'avais, mais je l'avais pris. Je me suis dit, un RPG sur Xbox 360. Puis là, il restait dans la bibliothèque. Puis là, je le prends hier. Puis là, j'ai dit, c'est le gars qui fait le Dragon Quest, qui fait les lords pour ça, tabarnak. C'est long et hot. Puis là, t'as décidé de t'y donner une chance. Finalement. Ouais, il a donné une chance, puis ouais, à date, j'aime ça. C'est quand même Akira Toriyama qui l'a fait, les dessins. Mais ça se voyait tout de suite, tu sais. J'ai regardé les graphiques, je me suis dit, ça ressemble même trop à Dragon Quest, cette affaire-là. Regarde la pochette, puis t'as. Ok, ben là, c'est assez clair, là. Puis là, juste avant, je voudrais plugger. Une petite boutique de jeux vidéo rétro à Québec que j'ai visité en fin de semaine. Ok. À la Bombe City. Oui, à la Bombe City. jeux rétro Revo. Je suis allé dans sa boutique parce qu'il m'avait laissé un message sur Facebook. Puis je dois dire que c'est la petite boutique de jeux rétro la plus propre que j'ai jamais vue de ma vie. Oh mon Dieu, ok. Est-ce que c'est ça, boutique? Tous les jeux. Toutes les cassettes de NES, de Genesis, whatever, là, n'importe quoi, tout est nettoyé, là, spick and span, là, c'est l'enfer. J'ai jamais vu quelque chose aussi beau de ma vie, là. Sérieux, tu rentres là-dedans, ça brille. C'est quoi, okay? Cher? Et ça, c'est un message pour toutes les autres boutiques de jeux rétro à Québec, là. Ben, s'il y a un exemple à suivre, c'est sur Jeux Rétro Revo, OK? Fait que, Si vous voulez avoir du stock clean, là, ben grouillez-vous le cul parce que sérieux, ce gars-là, il maintient son stock comme il faut. Puis vous ne verrez pas une saleté ou une écriture sur n'importe quelle cassette, même les cassettes à une pièce. OK? Fait que, à Québec, c'est jeu rétro révo, esti. T'as une question pour Sylvain, je crois? Oui, c'est que ça coûte cher. Genre, est-ce que non, ça offre le prix du nettoyage? Non. Il y a des bons, il y a des bons prix qui sont moins chers que la moyenne. Puis, en plus, il fait du crédit qui a grosse valeur sur ce que tu y apportes. Et voyons. Fait que, mettons que lui, il vend, mettons, son Super Mario RPG, mettons, à 25$, là, on va dire de même. Là. Puis tu lui rapportes la semaine d'après, il va te le racheter 20$. Il fou, il est c'est un exemple. C'est pas cher. Mais c'est cher. Non, c'est pas cher. Est-ce que ça vaut? 25$, c'est pas meilleur RPG? Non, c'est qu'il m'a donné. Non, mais c'est pas cher. Je dis pas qu'il y a Mario RPG à 25$. Non, donne un exemple de comparaison de quand tu vas y rapporter des affaires. Est-ce qu'il y a un site internet? Non, pas encore, parce que c'est une petite boutique, puis il n'y a pas encore assez. Il fait pas encore assez de cash, mettons, pour. Des gens partant pour payer de la TPS et de TVQ. Il n'y a pas encore de taxes sur ces affaires. OK. Il y a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook. Oui, effectivement. Mais pas de site internet. Mais une page Facebook. Cherchez Jeux Rétro Revo, vous allez trouver. Il fait des vidéos là, qui a commencé récemment pour annoncer le nouveau stock qu'il y a eu. C'est plus rapide pour lui. Le gars, c'est Kelly Machine. C'est Kelly Machine, c'est ça. C'est le propriétaire. C'est lui que j'ai rencontré. D'ailleurs, il m'a reconnu tout de suite quand je suis rentré dans la boutique. Ouais, moi, je le connais parce que Vitendo, il en parle pas mal. Ouais, puis d'ailleurs, c'est Vitendo qui l'aide à nettoyer ses affaires. Puis je veux dire. Ah ouais? Ouais, non. Ben, wow. En tout cas, si on peut lui donner ça, Vitendo, il sait comment nettoyer ses affaires. Ouais, oh, et puis, c'est pas. En tout cas, c'est sérieux, là. Je pourrais vous montrer du stock, mais c'est dur à montrer sur caméra, là. Mais en tout cas, je le montrerai aux accros quand j'irai à Montréal à un moment donné. Vous verrez à quel point c'est clean. Yes. Nice. Et toi, Alpha, de ton côté, quoi de neuf? Moi, ces temps-ci, je joue à Mario, voyons, à Super Smash Bros. Melee, parce que... T'as-tu perdu un défi, toi? Au GNM, non. Non, c'est justement, c'est parce que je ne veux pas perdre de défi, c'est parce que, voyez-vous, ça va être testeur Alpha et Beta contre Fred et Seb... au GNM, là, on va avoir un match à disputer contre ces deux-là. Nice. Puis, étant donné que je n'ai jamais été un gros joueur de Smash Bros, ben, c'est le temps de commencer, hein, pour pas perdre la face. Les autres là. Non plus. Hein? Je pense que les autres non plus, ça fait être des gros joueurs de ça. Tu penses? Je pense. En tout cas, bref. Ces temps-ci, je m'efforce de devenir un joueur correct, puis je te dirais que j'ai fait pas mal de progrès quand même. Là, je suis capable de me débrouiller. Mais est-ce que tu l'aimes un peu plus, le jeu? Oui, parce que là, je comprends comment jouer, puis je sais quoi faire, puis je connais les bonhommes. Puis... Ah non, mais tu sais, quand t'as jamais joué, puis t'es comme, voyons, je me fais casser la gueule en 2 secondes, je comprends pas, on peut-tu comme jouer à la place? Ben, c'est ça, on joue, là. C'est non, ça, non, peut-être la gueule, là. C'est quoi l'enjeu de votre duel? Hein? C'est quoi l'enjeu de votre duel? L'honneur du pays! Ah, y'a rien contre un qui perd! Non, Québec contre France! C'est dans plein ça, bon. C'est Québec contre déjà France. Beaucoup! T'aurais pu rajouter, je veux que Tester Alpha fasse partie de la prochaine vidéo de Joueurs du Clonier. Ah, oh, ça aurait été débile. Je porte un t-shirt du Québec. Ben là, je vais faire exprès de perdre. Non, ah non, il aurait fallu que je gagne pour apparaître. En tout cas, bon, bref, non, il n'y a pas de ça, là, c'est vraiment juste pour le fun. Pis, ah, ben tant mieux. Puis je pense qu'on va jouer à d'autres jeux, genre peut-être Mario Kart ou des affaires même. On va peut-être filmer ça? Je le sais pas. Mais écoute, toute la gang des accros vient au GNM pour couvrir l'événement. Fait qu'au pire, hein, subtil. Vous viendrez couvrir l'événement. Qu'est-ce que tu veux? En passant, on a Kelly Machine qui est en train de nous suivre en ce moment même sur. Ah oui. Alors écoute, nice. Kelly Machine, si tu peux nous laisser tes informations pour ta boutique, vu qu'on vient de te faire une grosse blog, laisse-les dans le chat, je vais les mettre dans la vidéo et on va t'aider. On va t'aider avec ta boutique. Fait que envoie-moi tes infos où est-ce qu'on peut te rejoindre et si tu as un site internet ou un Facebook où on peut te contacter. Je vais mettre ça directement sur le lien du podcast. Alors, sinon, à part ça, t'as pas eu le temps de jouer à d'autres choses non plus, Alpha? Ben, des jeux de marde, là, pour mon prochain épisode, évidemment, là, mais... Évidemment! On est assez occupé avec la préparation du Janim que, bon, ça freine un petit peu ma production de prochaines vidéos, mais ça s'en vient. OK. Moi, de mon côté, ben, je me suis gâté. Ah ouais? Et oui, il a fait le gros achat de fou, mon gars, débile, fou, le carin. Qu'est-ce qu'il a acheté, là? J'ai acheté ma Wii U. Ouais, ouais, pour la semaine, ta Wii. Comment ça, ta Wii, antithèse? Parce que je voulais qu'on fasse ça ensemble, qu'on fasse un double achat, toi qui achète la tienne, puis moi qui achète la mienne. Comment ça, pas à t'attendre? Je voulais jouer en fin de semaine. Fuck you. C'est vrai, vite même. Ouais, fait que j'ai acheté la Deluxe Edition avec le Mario et le Mario Bros, là, qui donne, les deux Mario qui donnent ensemble. Et j'ai également acheté Mario 3D Land, qui est vraiment bon. Sérieux. Tu parles du Super Mario 3D World. Oui, 3D World, excusez-moi. Okay, c'est ça, 3D Land, c'est au 3DS. C'est ça. Ça vient mélange. Oui, un petit peu. Mais non, c'est ça, c'est sérieusement, je l'ai adoré. Je joue encore, on a joué avec Marie, puis les deux, on capote sur le jeu. Vraiment, on aime vraiment ça. Oui, il est excellent, ce jeu. Il est excellent. Puis je me suis également acheté DuckTales, remaster pour la vidéo. Nice. Alors, une petite étoile d'humiliation pour Arcade Retro. Ah bon? Ben non, il chante bien. Il chante bien, inquiétez-vous pas, il va chanter à la prochaine convention. Là. Ah ouais? Il va chanter à la prochaine convention, ok? Fait que lui, il vient au Janim, genre, on le spot dans le milieu, puis ah ouais, il chante le grand. C'est quoi, la lumineuse? Ouais, ça, c'est ça. En passant, pour si vous voulez y aller sur la boutique de notre cher ami, Kelly Machine, c'est Facebook. .com/jeu-rétro-révo. Alors, c'est le lien pour aller sur sa boutique et je vais l'ajouter dans le lien après le podcast ce soir. Et sinon, pour continuer, je suis en train de préparer ma prochaine vidéo et je me suis acheté une couple de jeux pour pouvoir faire du veux-veux-pas, l'ajouter dans ma vidéo. Et je me suis procuré sur eBay une version scrap quasiment de Rocket Knight Adventure. Mais qui est très bon pareil. C'est un excellent jeu de Sega Genesis. Est-ce que je te refasse une étiquette? Ah, tu peux me refaire ça? Ah oui, je peux te refaire ça, moi. Ah, mais fais-moi en une. Good, merci. Puis des boîtes aussi, il faut que je t'en commande. Tabarnak. Oui. Tu vas me coûter cher. Tabarnak. Ah, ben, je parle bien, je vais te coucher dehors au Janim, c'est toi qui vas prendre ma chambre, là. Pas grave, quand même. Ah non. Alors, non, c'est ça. Ça a été une belle fin de semaine. Et Marie aussi, elle a joué beaucoup avec moi avec la Wii U. Puis c'est vraiment fun parce que c'est vraiment beaucoup de jeux coopératifs qui sortent de cette machine-là. Et j'ai très hâte qu'ils sortent d'autres jeux prochainement. Là. Je pense à Mario Kart que je vois scraper le disque, je pense. À ce point-là? Ah, je pense à ce point-là. Puis je pense que Tanuka va venir faire un tour souvent à la maison. Ah ben, oui. Hey, d'ailleurs, j'ai un jeu à te rapporter. Ah, ok. Quand t'auras le temps. Ouais. Et on va embarquer-tu avec les nouvelles? Ben oui, ça fait 40 minutes qu'on niaise, là. on a toutes les nouvelles à faire, puis après ça, on a le sujet à parler. Tu sais, ça paraît pas, là, mais on a un sujet. Non, ça paraît pas. Si vous avez resté avec nous autres pendant tout ce temps-là, ça veut dire que vous avez aimé ça. Hey, on sort-tu la guerre des enchères pour le fun? Ah ouais, c'est ça, ouais. Hey, j'ai écouté la version Texas hier. Non, c'est pas bon, là. Je les aime pas. Ok, les... okay on a c'est déjà parlé. C'est tous des gros jambons. Ok, ouais, on parle d'autre chose. Ah, pauvre Alpha. Ah là là. Fait qu'on va partir avec les nouvelles. Juste pour commencer et pour titiller Tester Alpha, la saison 2 de Hearthstone a commencé. La saison 2? De quoi tu parles, man? Hearthstone Heroes of Warcraft, le jeu de cartes. Il est même pas sorti, puis il y a une saison 2. C'est ça, il est pas sorti, mais il y a une bêta. Saison 2, tu sais. La saison 2 est sortie en bêta. Non, Ben, ce que tu veux dire, c'est que les serveurs... OK, t'as un classement qui reset à tous les mois. Oui. Bon, c'est ça que tu veux dire. Le classement a reseté, oui, mais... OK, c'est ça que tu veux dire. La nouvelle est comme un petit peu mal écrite, c'est ma faute. Alors, c'est la faute, je l'ai mal expliqué, mais c'est ça, les serveurs ont recommencé, fait que si vous voulez réessayer de remonter dans le classement, ben c'est le meilleur temps. J'aimerais ça juste pouvoir l'avoir, moi, c'est ça qui... Ça devrait pas être trop difficile dans mon cas, là, en tout cas. Comment ça? Mais en fait, pour l'instant, là, ça reset à toi et moi, puis il n'y a absolument aucun reward à le faire, là, c'est vraiment juste pour le trip, fait que... D'accord. Pitchez-vous pas dessus en faisant « Oh my God, c'est le temps! » Non, c'est le temps. Pas le temps avant tout, là, surtout qu'ils vont nerfer 1000 cartes là, pis qu'il n'y a aucun reward à le faire, fait que regarde, allez-y mollo. C'est pas comme dans le bon vieux temps où est-ce qu'on jouait à Magic the Gathering pis que t'étais content d'avoir les premiers decks, comme ça t'avais peut-être une Black Lotus pis que tu sais qu'elle sortira plus jamais. Ouais, c'est un fait. C'était cool la Black Lotus. À torcher des culs. Autre nouvelle, en parlant, j'ai une nouvelle par rapport à Magic the Gathering, on va rire un petit peu. Ah oui, je le sais exactement. Qu'est-ce que tu vas dire? Let's go, Ben, à toi l'honneur. Alors, non, mais je vais en parler un peu plus tard. Ah! Ok, là, si vous voulez absolument parler, on en parle. On en parle, Okay. Là, ouais. Alors, c'est ça, il va y avoir une série télé de Magic the Gathering. C'est incroyable. C'est Fox qui fait ça, là. Ouais, mais... De la façon que le monde joue aux cartes ou par rapport à l'univers? Si tu veux animer, J'ai cru comprendre que ça allait être par rapport à l'univers, là, genre avec la lore de certains personnages, mais il va vraiment falloir voir comment c'est fait, parce que, tu sais, comme moi j'ai vu l'annonce probablement quand tu t'es aussi l'a vu grâce à Alpha Omega Sin. Puis comme il dit, ils ont fait un film sur Battleship, tu sais. Ouais. Ça a-tu été bon? Non, c'était à fucking chier, c'est mais ils l'ont fait juste parce que c'est un gros nom dans le jeu, tu sais, mais... Ça avait-tu rapport avec le jeu? Non. Oui, ben... Il y avait des Battleships. Ça a-tu rapport avec... Il y a une section qui ressemble au jeu qu'ils ont fait, qui était assez pas si pire, mais à part ça, ça dure 15 minutes. Ça rapporte au jeu dans le sens que c'est en lien avec le jeu, mais ça j'en sais pas plus. Là. Magic, il va falloir voir comment c'est fait. T'sais, ça peut être vraiment... Si c'est bien fait, ça va être... Moi, je pense que ça va être super bon. Si ils font ça juste pour faire du cash en se disant « Le monde, ils se font cave, là, ils vont venir... Mais va falloir voir. C'est du live action, là. C'est des comédiens déguisés avec... Je sais pas. Dans le fond, on spécule depuis tantôt, mais on sait juste qu'il va y avoir quelque chose Magic. Série télé. Alright. Je me demande bien comment ils vont faire ça, en tout cas. Moi, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. Je le sais pas, moi non plus... Ça risque d'être de la lore, là. J'en sais pas plus. Mm-hmm. S'il y a quelqu'un qui écoute qui s'y connaît plus, gênez-vous pas. Mais moi, j'en sais pas plus. Non, moi non plus. Fait que, ben, c'est ça. On va rester quand même aux aguets, voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir avec ça. Moi, je pense bien que. qu'est-ce que ça va de l'air? Ça va être sûrement une affaire de. T'es comme. Une série de fantastiques, j'imagine, qu'ils vont vouloir faire avec ben des magiciens qui s'affrontent, puis qui vont lancer des petits gobelins, puis ils vont avoir une conspiration, puis ils vont. Au pire, ça va se finir en game de. Comment ça s'appelle? Le jeu où est-ce que les rois, là. De les Magic. Rois. Non, c'est parce qu'il y a une variante du jeu, genre où est-ce que t'as. Les Planeswalker? Je sais pas si ça situe les Planeswalker, parce que t'as deux rois, deux générales. Faut que tu tues les générales avant d'aller tuer le roi. Ok, non, on parle pas de la même. Ah, tu parles de l'empereur, toi, quand t'es cinq autour d'une table, pis faut que tu tues les deux comme en diagonale de toi, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que. Je sais pas s'ils vont vouloir faire une affaire de même, là, mais en tout cas. On va voir au courant du. C'est sûr que non. Qu'est-ce? Hey, tu devrais faire une game de ça? De l'Empereur? Je sais pas. Écoute, j'ai pas beaucoup joué à Magic. J'ai à peine joué à Magic. Je le connais parce que Beta, c'est un gros joueur de Magic, mais... Sinon, je jouais à WoW TCG, moi. C'était... Mais Magic, pas mal moins. OK. Fait que... Non, c'est ça. On va attendre les nouvelles. Dès qu'il va en avoir, probablement, je vais les communiquer avec vous. Et dans les prochains podcasts. Mais probablement, moi, ça va être quelque chose que je vais surveiller pareil. Ça peut être intéressant. Steam, les options familiales sont maintenant disponibles en bêta. C'est quoi l'option familiale? Ben, c'est de pouvoir partager les jeux que vous avez dans votre compte Steam avec des personnes que vous avez décidées. Alors, par exemple, je décide de partager mes jeux avec PL. Ben, PL va pouvoir jouer à mes jeux, mais et vice-versa. Mais moi, je n'ai pas le droit de jouer à mon jeu pendant que lui joue dedans. C'est un peu fair dans le fond, tu sais, mais en même temps, c'est... Okay. Ben, c'est le minimum, tu sais, je veux dire, dans un sens, tu sais, tu payes une licence, tu sais, c'est comme si tu aurais ton jeu chez vous, là. C'est comme un jeu réel que tu prêtes, là. C'est déjà un avancement, déjà, je trouve ça de... Ben ouais, c'est cool. Je suis d'accord. Une limite de personnes? Oui, je pense qu'il y a une limite. Puis tu dois s'en payer pour augmenter. Je pense que t'as comme 5 ou 10 personnes gros max que tu peux partager. Tu donnes-tu ta liste de la librairie ou t'as-tu un code par jeu? Comment que ça fonctionne? Tu dois le télécharger? C'est, le monde vont partager, le monde vont pouvoir voir tes jeux, vont pouvoir embarquer dessus. Puis quand ils ont. Quand tu vas, par exemple, embarquer sur ton Steam, tu vas voir c'est qui est en train de jouer à quel jeu. OK. Puis s'il joue pas à un jeu, tu peux y prendre de sa librairie virtuelle puis jouer dessus. C'est ça. Est-ce que t'as priorité sur tes propres jeux? Exemple, il joue, tu décides que tu le prends? Non. Non. Ah, ok. Il faut que tu demandes vraiment à la personne de sortir du jeu pour pouvoir. Ok. Mais là, on t'appelle et on dit hey, décalisse de mon jeu, tabarnak. Hey, yo! Je suis rendu à la fin, je m'en calisse. T'as vraiment ta botte de fin! J'ai pas fin! Comment tu recommencerais? Autre nouvelle par rapport à la Vita qui n'est vraiment pas à la hauteur des espérances de Sony. Non. Ok, ça a pris une autre news pour nous dire la même carrière d'affaires qu'on savait. Un peu ça. Mais finalement, ils disent que les personnes de chez Sony disent en toute franchise, nous espérions des meilleures ventes. La Vita est arrivée dans un marché bien plus compliqué que celui dans lequel la console a été pensée et conçue. Les jeux sur tablette et téléphone ont changé de marché et les gens ne peuvent transporter avec eux qu'une quantité limitée de choses. La vérité est que le nombre de personnes qui souhaitaient profiter de l'expérience de jeu que peut offrir la Vita n'est pas aussi élevé que le nombre de personnes qui cherchent simplement à jouer sur le pouce, peu importe le jeu. Puisqu'ils remplissent tant de fonctions différentes, les tablettes et les smartphones resteront toujours très attractifs. Évidemment. Mais je pense que le monde a été plus attiré par la 3DS. Ouais, c'est ça, quand est-ce que tu as 3DS? Ils veulent juste pas en parler, tu sais, ils vont juste dire c'est à cause des téléphones, mais... C'est parce que là, on parle qu'un jeu Android, contrairement à un jeu Vita, il y a quand même une grosse différence. Fait que je pense que le monde était plus charmé par les jeux sur la 3DS qu'autre chose. Évidemment. Surtout avec les sorties Pokémon, fait que... Pokémon, ouais, Zelda, Mario, ils marchent toutes là-dessus. Ben, il n'y a pas eu zéro grosse sortie sur Vita, là. Aucune! Aucune. Il y a tellement plein de sorties. Ok, t'as peut-être Assassin's Creed Liberation. Bof. Pas de titre, mais... C'est ça. Je trippe Assassin's Creed et j'ai zéro été attiré par ça, mais... Imagine. Ouais. Imagine. Okay, imagine. Imagine. Tous ces gens. Imagine all the people fucking for a living in J'aimais mieux la tourner à l'envoi tantôt, je pense. Hein? Vous allez l'entendre à la fin du show. Si vous nous écoutez en audio, vous allez l'entendre à la fin du show. De quoi ça? Les ballons? Ouais. Je vais le mettre grâce au montage. Dis-moi, on pourra entendre ta version. Excellent. Ballon. Alors, autre nouvelle. Yoshi Island nous offre le nouveau Yoshi sur 3DS, nous offre une date de sortie. Oui. Et ça va être le 14 mars. Oh. On a bientôt. Ça nous fait contente. J'ai pas le temps de l'acheter, mais c'est pas grave. C'est un sequel ou c'est un remake? Un sequel. Non, c'est un nouveau. Ben, c'est ça, c'est une nouveauté, mais c'est la suite du Yoshi Island DS. C'est pas un remake, c'est une suite. Yoshi's New Island. Yoshi Island DS, c'était-tu le remake qu'avait fait du Yoshi Island normal? Non, c'était une suite aussi. Une suite aussi? C'est trois jeux distincts. Oh! Okay. Ouais, dans celui du DS, t'avais le choix de personnages. Ouais, des genre bébé Donkey Kong, bébé Luigi, puis bébé Princesse. Là. C'est ça. Ok, ça me l'air qu'on a skippé, je pense. C'est un excellent parce qu'en plus chacun a leur propre pouvoir puis selon celui que tu utilises ben ils vont avoir des pouvoirs exacts différents. Ouais, c'est une bonne idée pour ça. J'aime mieux le premier mais il était fan pareil le deux. Oui, il était très bon. Autre nouvelle, on a tout entendu parler de PlayStation Now qui est le service de cloud gaming pour la PlayStation 4. Ah. OK. Et qui va vous permettre de jouer à des jeux PlayStation 3, PlayStation 2 et PlayStation 1 en streaming sur votre console. Mm-hmm. Et on a eu un petit peu de précision par rapport à quel service Internet vous allez avoir besoin pour jouer avec PlayStation Now. Et il va vous falloir au moins... Sony disent que ça fonctionne correctement, et je dis bien correctement, à partir de 5 mégabits seconde. OK. Oh, ouais. C'est pas tout le monde, je pense, qui est capable d'avoir 5 mégabits par seconde. C'est surtout pour ça là, que j'ai fait. J'ai un bon internet, je t'ai dit, je t'ai j'en ai un bon, mais c'est parce que ça coûte cher maintenant. Hein. Quand ta connexion est partagée là, avec d'autres personnes, déjà, ça va bien. Et moi, je sais que... excusez-moi. La manière que je vu que moi je suis à 15, mais tu sais, j'ai mon téléphone, j'ai la Wii, Marie peut écouter ses vidéos sur son iPhone. Fait que tu sais, il y a tellement de choses que m'emmener, je suis peut-être en bas du 4 mégabits seconde. Là, fait que. Oh, ben, eux autres, la façon qu'ils disent, c'est ah, ok, ça va aller bien à ça. Mais ça, c'est ce qu'ils disent sûrement au minimum. Mm-hmm. Ça va peut-être en prendre 10 pour vrai, pour que ça soit vraiment pour des gros jeux. Fait que c'est là, pas tout le monde qui peut s'offrir une connexion de la mort, là, on s'entend, là. Mais on live, quand ça marchait avec quoi? Ça marchait avec ce qu'il y avait dans le temps, il n'y avait pas de 5 mégabits. C'est que je crois que autres, la façon dont ça va marcher, c'est que tu n'auras pas à télécharger le jeu sur ton. Ça va être une bibliothèque virtuelle. C'est ça, mais avec on live, c'était le même système pareil. C'était, ça venait avec une manette, puis comme un modem, un routeur. Puis c'était juste du streaming qu'il y avait. Mais là, il me semble que j'en fais dans une banqueroute. Là. Ouais, là, ça a fait banqueroute, ça n'a pas été. Ça... Mais. Ça va coûter cher par rapport à cette annonce-là, c'est que c'est fait, ok, c'est 5 mégabits seconde, mais tu veux jouer, le download de fou que ça va te donner, parce que c'est en streaming, ouais. Ça va, c'est que là, ça va faire dépasser du monde, ça va faire payer. Ben, il suffit à l'internet illimité, un peu comme Netflix, puis un peu comme plusieurs services de streaming, il suffit pas mal à ce que maintenant on soit pratiquement illimité. Mais c'est que ça, c'est pas tout le monde. Ils commencent à l'offrir, comme Vidéotron ont commencé à l'offrir, mais c'est quand même... Ils ont recommencé à l'offrir, parce qu'oublie pas que Vidéotron, à un moment donné, a été limité, puis ensuite ils ont dit « Oh non, c'est limite de 100 gigs », ils ont dit « Oh non, c'est limite de 50 gigs ». Puis après ça, ils ont commencé à augmenter à chaque fois, mais bon. Ok. C'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il est juste limité, c'est votre internet, tout dépendant de ce que vous avez, puis c'est pour payer une autre shot là, pour avoir les limités en plus, fait que ça coûte cher. Mm. Oui, c'est sûr. Évidemment. Alors, là-dessus, est-ce que j'ai d'autres nouvelles? Moi, j'en aurais une. What's up? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de Awesome Gang Dog Quick, oui. Streaming, qui avait fait un marathon de une semaine de speedrun sur des jeux. Ils ont ramassé pour prévenir les préventions pour le cancer. Ils ont ramassé pour plus $1 million. Oh donc, my god, nice! J'avais écouté ça, c'était vraiment écœurant le monde. Il y avait eu des speedruns de justement Yoshi Island qui a été fait en 3 heures. Il y a eu Super Mario en 22 minutes, des affaires comme ça. C'était assez trippant, puis le monde, ça, j'ai bien aimé ça, la façon qu'il s'était fait, surtout qu'il disait à chaque fois que quelqu'un donnait, il donnait le commentaire que la personne avait fait. Que, tu sais, tout le monde avait son minimum en gloire en plus, puis ça, ils ont ramassé à peu près pour 1 million, leur objectif était de 500 000. Wow, ils ont eu le double, là. Écoute. Ouais. C'était dans une convention, c'était dans un lieu genre de salle de... Ouais, c'était une sorte de petite convention qu'ils ont faite avec, ils pognaient ceux de Twitch. Les plus grands speedrunners, ils avaient tous invité. Il y avait même un Québécois là-bas. Je sais pas où ça s'est fait aux États-Unis, mais il avait invité ben du monde pour faire leur speedrun sur plein de jeux différents. C'est très intéressant. Ouais. Sérieux, okay. Là? J'ai déjà hâte au 2015 au marathon, voir ce que ça va donner. Ils ont passé à chaque trimestre, en fait? Je sais pas. Moi, c'est la première fois que j'écoutais, puis c'était celui du 2014. Je sais pas si vous faites par année. Donc, Pour quand le marathon des accros? Une semaine de speedrun, rien à nous. On commençait par une fin de semaine, là, on verra après. Là. Très malade, mais en même temps, bon. Là, je commence à finir pour une première fois certains de mes jeux avant de faire des speedruns là-dessus. Moi. C'est une bonne idée. On essaiera un moment donné, on verra en temps et lieu. Là, je vous le promets, on va essayer de regarder ça. Seriez-vous intéressé à passer à ceux qui sont sur le chat? Seriez-vous intéressé à voir une fin de semaine live des accros, quelque chose de même, un événement live des accros? Une bonne fin de semaine, on pourrait voir Big Ben complètement sous. Pas dans le chat, mais moi je serais très intéressé pareil, ça. T'es intéressé à me voir sous? Yes! Bon, mais tu si on paye dessus, je peux te le promettre. Mais si on paye pas aussi, Ben, c'est pas durant ce moment-là. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à Coder City. Alors, non, mais seriez-vous intéressé? Dites-nous là sur le chat, puis si oui, ben, on va peut-être regarder ça un moment donné. On sait jamais. Dans les commentaires en différé, pour ceux qui nous écoutent en différé, dans les commentaires. Ok, oui. Alors, sinon, à part ça, dans les nouvelles, c'est assez tranquille. Veux pas, on est rendu le mois de janvier, fait qu'il se passe pas grand-chose. Mais ça va falloir reprendre en février, par exemple. Oui, ça va tout reprendre en février les sorties. Oui. Non, c'est vrai. Avez-vous vu la caméra thermique qu'ils ont sorti récemment, qu'ils ont annoncé? De quoi? Hein? Une caméra thermique, tu sais, pour savoir voir la chaleur, là. Ouais, mais c'est à propos sur ton téléphone. Sur le téléphone. Ça se fait pas, il faut gagner une fonction pour ça. Juste te rappeler qu'il y a de la chaleur qui s'échappe de ta maison l'hiver. Ouais. Mais voilà, on va le téléphone. Ok. Hein? J'ai entendu ça à la radio, je trouvais ça cool, là. Le téléphone, il n'y a pas de lecteur pour la chaleur, là. Mm-hmm. Comment en fait, on a une bonne caméra là-dessus des fois. C'est comme il y avait c'est un cover que tu mets sur ton téléphone. C'est une autre caméra qui se rajoute par secteur dessus. La meilleure, c'est vraiment ça fait comme une deuxième caméra. Ça fait une deuxième caméra, mais sur ton téléphone, tu es capable de voir la chaleur que tu dégages. Si tu décides de te promener à la Bomb City puis que tu veux pas rentrer dans Sylvain parce que t'es contacté. Je vois vraiment pas à quoi ça peut servir pour quelqu'un, mais t'sais. C'est bon que t'en parles! My god. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles? Écoute, le problème, c'est pas mal tranquille ces derniers temps, puis c'est en février que ça va vraiment commencer à reprendre. C'est quand même, t'as minimum 3 bons jeux qui vont sortir en février, fait que. Mm-hmm. On est peut-être parti sur le sujet d'aujourd'hui qui est assez captivant, n'est-ce pas? D'accord. Fait qu'on va commencer à parler de notre sujet du jour qui est les clubs vidéo. Les clubs vidéo. Moi, j'avais envie de changer de ça. Deux raisons. Tonne de copies. Il y a deux raisons pourquoi je voulais parler de clubs vidéo aujourd'hui. Première, parce que j'avais remarqué la vidéo d'Arcade Rétro un petit peu auparavant. Fait que ça m'a motivé un petit peu. Et également, le club vidéo pour lequel j'ai travaillé pendant près de 6 ans a fermé ses portes il y a 2 semaines. C'est moi? Hein? Quel club? Centre de vidéo. Qui a fermé ses portes et qui... Shadow, il a changé de propriétaire, puis j'irai pas voir ce propriétaire-là. Non, il va booster les prix. C'est le gros centre, Mario. C'est le centre d'échange qu'il a racheté. C'est ça, justement, j'y retourne plus. Fait que, juste vous dire à quel point c'est un crasseur, et je le dis bien, à le centre d'échange, c'est un crasseur. Ça a toujours été là, même quand ça a changé de propriétaire, ça a toujours été le même. Ouais. Fait que, moi j'avais envie de me rappeler des bons vieux souvenirs qu'on avait avec les vidéos. Je vais commencer avec je vais finir avec Arcade Rétro parce que fait une vidéo là-dessus, lui-là, il est capable d'attendre un petit peu là. Je vais y aller avec toi, Shadow. Parle-moi de tes souvenirs de Club Vidéo. Mes souvenirs, c'est surtout quand mes parents partent en vacances, c'est ce que je rachetais chez nous et passe à peu près mes journées à essayer d'aller louer des films puis des jeux à peu près aux 5 secondes. Que ça m'avait coûté une fortune un été, j'en revenais même pas moi-même. Celui que moi j'habitais à 7000 dans le temps, dans un tout petit village. Fait que, disons que dans les débuts, quand on commençait à faire des jeux, c'était 5 jeux sur le Xbox, il y en avait 5. Fait qu'à un moment donné, ça prenait pas longtemps que tu avais déjà fait le tour des 5. Même si tu les aimais pas, tu allais louer pareil, c'était le seul jeu que tu avais. Tu n'avais pas le choix. Et je vais toujours me rappeler d'un jeu que mon père m'avait loué. Ben avant aussi, avant qu'il fasse un jeu de Monster Truck que j'ai acheté à mon père, je sais pas combien de temps. C'était sur NES dans le temps. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais acheté à mon père en maudit pour aller chercher ça. Ça va toujours rester ce petit vidéo-là. Sinon, j'ai pas vraiment un grand loire de jeu non plus. Ok. J'ai toujours aimé avoir mes propres bébés, mais c'est mes vieux souvenirs quand la plupart qu'on a. Étant jeune, c'était surtout de la location. D'accord. Antithèse, de ton côté, tes souvenirs de Club Vidéo? Écoute, ça va peut-être surprendre une coupe. J'étais pas toujours le gars sociable et extraverti que je suis aujourd'hui. J'étais même au coup. C'est grâce à moi que c'était rendu un super gros câlin. Oui, hein? Oui. Les gens sont très reconnaissants. C'est un calinours. Non! Non! Il y a un gros cœur tatoué sa bébête. Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est comme Austin Power. Il a son poil de Shaggy est en forme de cœur. J'y travaille sur ça en passant, hein, fait que tu... Pas vraiment intéressé dans ça. C'est des affaires qu'il doit pas penser au monde, je pense. Oh shit. Non, mais les. Habitant à Laval, dans le temps que ça commençait à d'ailleurs se développer, Laval est plus intéressant. J'étudiais à Laval, c'était les jeux vidéo, justement. Alors, effectivement, un peu comme Shadow Gamer, tu sais, je passais beaucoup de temps à aller louer des films et des jeux dans les spectacles vidéo, Tron, dans les super choix. Et oui, j'étais assez freak, dans le sens que je faisais également beaucoup le tour des clubs vidéo, croyez-le ou non, même jusqu'à partant de Hauteuil à l'endroit du Vernet à Saint-François, parce que naturellement, c'était aussi les clubs vidéo qui étaient, comme si vous voulez, les premières boutiques qu'on pouvait acheter des jeux et des films. En tout cas, pour moi, c'était les premières. Fait que je voulais chercher un jeu rare qui n'avait pas une telle place, mais peut-être qu'il a Saint-Clin-Clin. Fait que oui, c'est assez. Pour aller à Saint-Clin-Clin, pour aller chercher le jeu ou le film que je voulais dans le temps. Alors, c'est comme ma. Ironiquement, je suis obligé de dire que Club Vidéo, c'est comme ma première vraie expérience geek depuis l'âge de 5-6 ans. Ben, c'est tout là qu'on a fait nos premiers contacts, moi. Ouais. C'est qu'à moi. Là. Tu me rassures. Ça a toujours été là, à peu près, justement, qui était le plus disponible pour trouver les affaires, c'était surtout eux autres, avant. Tanuka, de ton côté? Ben moi, quand j'étais petite, j'habitais aussi dans un petit village qu'il y avait juste un club vidéo. Puis moi, ben, évidemment que j'avais juste un seul jeu sur mon Super Nintendo dans les années 90, puis c'était Mario World. Fait qu'on était toujours rendus au club vidéo pour jouer des jeux vidéo. Puis là, ben, moi, vu que j'avais pas eu de Nintendo 64 à la fin des années 90, j'avais encore un Super Nintendo en 99, genre. Fait que les jeux Nintendo, Super Nintendo, ils coûtaient vraiment pas cher à louer. Fait qu'à un moment donné, on a eu Mario Kart pendant un mois. Ça peut coûter genre 10 piastres. Ouais. C'était un très beau souvenir de mon enfance. Sinon, c'est ça. Là, c'était vraiment surtout les jeux de Super Nintendo qu'on louait, puis maintenant, ils n'en louaient plus. Rendus en 2000, ils ont tous vendus parce que t'es rendu en 2000. C'est ça. Fait que, plus de jeux de Super Nintendo pour moi. Jug, de ton côté? Moi, j'allais souvent au Super Club Vidéotron. Parce qu'il y avait toujours le Nintendo, le Genesis, puis le Super Nintendo, où tu pouvais essayer le jeu de la semaine. Fait que j'y allais deux fois par semaine juste pour voir c'était quoi le jeu qu'il avait mis dans la console. Il allait en baisser. Là, je rentrais là, puis tout ce que je faisais là, c'est passer avant midi là-bas, essayer de finir le petit jeu. Ok, j'y allais même pas y louer, il jouait sur PC. pourquoi j'irais le louer, t'sais? Je peux le jouer direct là. Gratis, man. Non, mais. C'est ta faute d'avoir qu'elle avait plus de ça, ok! Puis c'est ça, là, moi, mes expériences au club vidéo, c'était pour les jeux, c'est surtout ça, là. C'est... Puis moi, je me souviens parce que je détestais le Genesis pour mourir, là. Puis là, il avait mis Ninja Turtle Hyper High Stone. Puis j'étais là, oh, c'est trop cool! Ils ont enfin eu un bon jeu sur Genesis! Fait que c'est ça, c'est mon expérience de jeu vidéo au Super Club Vidéotron. Mais il y avait d'autres genres de clubs vidéo dans le temps là, avec des noms bâtards. Là. Vu que t'allais là pour acheter des jeux, mais Chris, les jeux coûtaient cher dans le temps, mais en tout cas. Puis, je me souviens, le jeu que j'ai acheté qui m'a coûté le plus cher, c'était Chrono Trigger au Super Nintendo. Je pense que ça a coûté 109 quelque chose. Damn. Puis ça, c'est le dernier aujourd'hui quasiment. Là. Oh, mais aujourd'hui, il n'y a pas de jeu à ce prix-là. Là. Imagine, même l'inflation de 109 quelque chose aujourd'hui, là, c'est fou, c'est malade. Tu as payé ça pour un classique, là, j'avais acheté pour 100$ au Toys R Us Saturday Night Slam Masters parce que c'était Capcom. Ben, valais-tu pas le 100$? Tu sais, ça a été économisé dans le temps des fêtes, Noël, même plein d'anniversaires, t'es comme 100$ bien investi. Même tu peux-tu avoir? Pauvre-toi, Arcade. Alpha, de ton côté? Moi, c'était la fin de semaine. Ben, j'ai eu une phase NES, une phase SNES, puis une phase PS1. Puis à chaque phase, ben, je rachalais mes parents à la fin de semaine pour aller louer des jeux vidéo, puis... Ah, c'était le petit moment excitant de la semaine, là. Il y avait juste fait que ta semaine était... Puis moi, vraiment, là, allez écouter une vidéo de Arcade, là, les pichetounes en forme de oui. Stone. Là, oui, hey, comment ça s'appelle? J'avais ça à mon club vidéo, puis quand il en a parlé, ils ont fait « Oh my God, c'est vrai, il était tout le temps en forme de stop. » En stop avec un bout de Velcro en arrière. Ben, c'est en plein, c'était malade. Je veux savoir si quelqu'un là dans le chat ou qui nous regarde, comment que ça s'appelle ça? Y a-tu un terme pour cette affaire-là? Les bouts de plastique. Nous, on appelait ça des jetons. Ouais. Des jetons, finalement, ouais. Ouais, c'était marqué jetons. Oui, c'était un peu plus gros, on appelait ça des pinouches, nous autres. Pinouches, des pichetounes. Des pichetounes, non, des arcades. Des gogosses. Juste à dire, arcades. Nous autres, là, à la fin, on n'en trouvait plus pas en tout où est-ce que je travaillais. Fait qu'on allait chez Dolorama, on allait chercher des jetons à poker. Ben, si vous avez une envie de faire des pichetounes, ben allez vous chercher des jetons à poker, ça va marcher. Arcade, es-tu capable de nous résumer ta vidéo en quelques secondes? Non, c'est une joke. Allez voir, France, c'est mieux. Mais ben, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ta vidéo? Ouais, ben oui, parce que dans le temps, ben moi j'allais dans un club super Vidéotron. Qui, écoute, était gigantesque, mais il favorisait plus le Super Nintendo que le Genesis. On dirait que le Genesis était tout le temps mis comme à l'écart, il y avait un petit coin de rien, mais quand tu rentrais dans le club vidéo, dans le fond, pouf, la lumière là, qui descendait de ciel, même direct. Oh! C'est ça. Tu vois tous les jeux du Super Nintendo, mais le pire, c'est que moi, j'avais pas de Nintendo Power, puis peut-être pour certains, ça a l'air fou, mais il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Fait que quand tu voulais jouer un jeu, là, tu te fiais sur des rumeurs. Ou tu fais le cover. Combien de covers que j'ai regardé, j'ai dit, ah, ça va être cool. Je loue, t'arrives chez vous, pis t'as un jeu de merde pendant 3 jours, pis tu dis, Chris, je savais pas que c'était un versus, ou je savais pas que c'était un affaire. Fait que là, oublie ça, mais tes parents, ils retournent pas au club vidéo avec toi. Ils viennent une fois, pis ils retournent de ramener, et pas pour en louer un autre. Bonjour à Double Dragon 5. Oh oui, mais. Ah oui, c'est bien. Mais j'avais un club vidéo spécialisé qui avait ouvert après, puis c'était la première fois, ça c'était le paradis pour moi, première fois que je jouais un club vidéo vraiment qui avait, tu sais, des figurines, des Player's Guide, qui avait une tonne d'affaires, c'est le Oz jeu vidéo. Écoute, c'était à Laval, puis les gars, ça. Ouais, il est fermé, ça fait déjà des années, c'est la première fois que j'avais... Hein? C'est vieux. De quoi? Et ça fait des années qu'il est fermé. Ouais. Ah, c'est que je suis out of touch. C'est pas de bon. C'était vraiment comme une rue ou deux à côté. Puis il y avait. C'est la première fois que je voyais des ordis en réseau. Première fois qu'il y avait 4 ordis, puis là, tu t'achetais une carte de temps, tu jouais en réseau. Je jouais assez à. Pas Desert Storm, à. Comment que ça s'appelle? Rainbow Six. Non, même pas Rainbow Six, il y avait un autre. Non, il me semble que c'est pas Desert Storm, c'était. Counter-Strike? Delta Force. Ah oui, oui, oui. Delta Force. Premier jeu que je voyais co-op avec mes chums, tu tuais des petits bonhommes en polygone super dégueulasse. c'était vraiment cool, man. Puis je me sentais vraiment à ma place, là. Mais c'est plate parce que, justement, la consommation du monde a changé, la manière d'acheter, louer. Maintenant, justement, avec le streaming, oublie ça, il n'y a plus de place pour ça. Non. Il te reste les micro-plays, qui est des grosses surfaces ou des petits magasins spécialisés qui ont de la misère à se faire connaître. C'est plate, tu sais, parce que c'est eux les spécialisés là-dedans. Ouais, mais je sais pas si vous avez entendu ça, justement, par un club vidéo. Il y avait un club vidéo qui a ouvert, je sais pas si ça fait longtemps qu'il est là, mais qui est aux États-Unis. Tu peux arriver là, tu as 5 minutes de temps, tu peux essayer ton jeu avant de le louer. Il y a plein de consoles pour ça, pour essayer ton jeu. Et à la fin, on va dire, quand tu es revenu après ça à ton jeu, tu peux avoir une option d'achat. Si tu l'as assez aimé, tu peux l'acheter. J'avais parlé ça, je sais pas si vous êtes. Brièvement, tu en as entendu parler brièvement, ouais. Mais c'est ce qu'ils font dans toutes les boutiques de jeux ici à Québec. Ben, même Microplay, ouais. Microplay, tu peux louer ton jeu. Si tu l'as aimé, tu le ramènes. Ils t'achètent ton jeu, ils te redonnent une location gratuite. Bon, ça je sais pas, mais tu peux vraiment, ils ont vraiment mis des salles que tu peux essayer ton jeu aussi avant de le louer. Mais essayer, c'est pas trop comme hardcore. Dans le temps, tu voyais tout de suite c'était quoi le jeu. Maintenant, t'as tout le temps un tutoriel de 45 minutes hyper profond puis narratif pour t'accrocher. Ouais, ça, c'est un fait, là. Mais ça, c'est une demande informatique, fait qu'il faut suivre la cadence là-dessus. Le gars, il joue 4 heures. Oh, je pense que je le prendrai pas. T'as-tu quelque chose de. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des limites de temps, là, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est ça, tes boutiques, ils mettent un 30 minutes, 45 minutes, dépendamment, là. Yeah. Moi, j'ai été chanceux d'avoir vécu les deux bords de la médaille, dans le sens que j'ai été client et j'ai travaillé pour un club vidéo. Pareil pour moi. Étant jeune, j'allais à mon petit club vidéo qui s'appelait le Restaurant du Parc, qui était un petit club vidéo en bas d'un restaurant, la porte sur le côté, t'avais ben de la misère à aller voir, mais quand tu rentrais là, t'avais des murs de films, de jeux vidéo, de Nintendo, puis t'avais Patrick Bonin, qui était là, puis qui te jasait de jeux vidéo, tellement qu'il en était passionné. Puis ce gars-là, là, il était précurseur dans son monde, parce que lui, il allait chercher toutes les nouveautés qu'il pouvait aux États-Unis. Okay? Il savait que tel jeu allait sortir à telle date, mais lui, il prenait son char, s'en allait ses lignes, s'en allait chercher son jeu, il le ramenait, là tu pouvais le louer. Ouais. C'était quelque chose de cool. Puis il apportait plein d'idées cool également dans le monde du club vidéo. Moi je pense par exemple, on parlait plutôt, tu pouvais essayer un jeu, mais lui il l'avait fait avant. Tu rentrais, tu avais des télés avec des Switch, tu donnais mettons, ok je vais jouer une heure. Tu donnais 5$, tu t'essoyais, puis tu jouais pendant une heure, puis quand une heure faisait, ta machine allait fermer tout seul. Tu veux savoir si tu l'aimais ton jeu ou pas. Ma mère m'a payé une soirée complète là-bas. On m'a repartit. Wow. On avait la salle au complet à nous autres en bas pour ça. Shadow, tu te souviens-tu du Black Pat? Du Bipat, tu veux dire? Le Black Pat. Non, ça, j'ai pas connu ça. OK. Patrick Bonin, ce qu'il avait fait, il a pris, dans le premier temps, qu'il y avait des gros écrans géants. On parle des premiers temps avec des gros, tu sais, c'est des gros tubes cathodiques. Il avait fermé une salle complète, il avait mis un cinéma maison à l'intérieur, t'avais deux sièges, oui. T'avais ta manette, puis tu jouais à ton jeu. T'avais de Ninja Gaiden 2, j'ai joué là-dessus. Pour vous dire, c'était l'ambiance géniale que Patrick Bonin avait faite. Il avait créé son monde, puis tu rentrais là, puis moi je passais ma journée dans son club vidéo. Puis à un moment donné, il a décidé de devenir plus spécialisé, il est devenu Jeux Express. J'ai travaillé pour Jeux Express pendant 2 ans. J'ai adoré mes 2 ans que j'ai fait là. C'est grâce à lui si je suis devenu un gros fan de jeux vidéo, puis que finalement mes payes, j'achetais des jeux à place de dépasser ailleurs. Son meilleur employé, son meilleur client. Ben, j'étais, c'est ça. j'étais quasiment son meilleur client. Et ben c'est grâce à lui aussi si j'ai pu c'est un petit peu grâce à lui si Accro des jeux existe aussi, parce que je suis devenu fan de jeux vidéo grâce à lui finalement. Fait que j'ai découvert plein de bons jeux. Je me souviens encore du temps où est-ce que on pouvait passer 2 heures à fouiller pour un film ou un jeu. Vous en souvenez-vous? Oui, vraiment hot ça. C'était la culture de chercher son film. C'était qui que j'ai lu? C'était Francis un podcast qui s'appelle Le Septième Antiquaire. Et lui, il disait que le rituel du club vidéo, là, c'était vraiment d'aller chercher ton film, de prendre ton temps pour chercher ton film. C'était un rituel. À cette heure, on n'a plus ça partout. T'as Netflix, tu choisis ton film, taf! Ah, mais c'était une soirée, c'était une activité. Tu sortais au club vidéo, là, c'était bien presque pour aller à l'opéra. Puis là, tu t'en vas au club vidéo, puis tu checkais, bon, ben, les catégories. T'es tout le temps surpris de voir une belle cassette ou un film que tu n'avais pas vu encore. Puis là, ben, t'avais les films. C'est une expérience, justement, d'aller là. Il y avait une odeur, il y avait de quoi. Ça sent le popcorn. En famille, c'est ton père qui faisait son film pour lui. Ta mère avait son film. Toi, tu avais droit à un film. Fait que là, c'est passé à peu près une demi-heure à trouver lequel, parce que tu avais droit à un film. Trouve le bon, là, pas exemple un bon. Ah, parce que sinon, ta fin de semaine était scrap. Ouais. Il fallait lire les derrière la cassette, un par un. Puis demander l'avis du vendeur, puis t'espérais que c'était un gamer. Ah, ça, jamais, je m'en Jamais je me suis rabaissé à ça. Moi, je l'ai fait. Dans les premiers temps, j'avais comme. J'avais Nintendo Power. I had the power. Ouais, chanceux. Don't it die, motherfucker. Moi, je me rappelle d'avoir déjà posé des questions, puis la fille, elle savait rien. Là. C'était une employée, genre, elle était au cégep parce qu'elle savait les jeux vidéo. J'étais comme, ah merde, t'es une crise dans la merde, toi. C'est au dessin, puis c'est tout. Qu'est-ce qui va vous manquer des clubs vidéo? Parce que là, veux pas, c'est la mort des clubs vidéo. Faut se le dire, là, carrément, là. Ça va mourir. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Pas grand-chose. Ben, je pense. Non. Ça aurait été plus dans le temps. Ça aurait encore marché comme dans le temps. Ça nous aurait peut-être manqué plus. Aujourd'hui, on va essayer de quoi, mais YouTube est là, puis on peut voir la plupart des bébelles là-dessus, puis des affaires comme ça. Mais c'est sûr que ça va manquer les soirées familiales ou entre amis, qu'on se pointait à chercher le jeu multiplayer. On est un petit peu responsable de ce changement-là, que je trouve plate. Écoute, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut se baser, ça évolue. Tout évolue, puis le vidéo aussi. Ce que je trouve plate, c'est qu'on parle justement, tantôt tu parlais du service de streaming du PS4. C'est comme ça que ça évolue. Je trouve ça plate de pas avoir. J'aime ça avoir les trucs dans mes mains. J'aime ça avoir. J'ai un Dragon Ball. J'aime ça avoir la reliure, pas juste le lire sur mon iPad, puis jouer à un jeu, pas juste avoir une librairie gigantesque, virtuelle, mais. J'aime ça que ça occupe de la place. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi on aurait plus besoin d'acheter? C'est quoi la prochaine chose qui va être virtuelle? Okay, on a déjà la console? La console? Ouais, on n'aura plus de console. La bouffe! Ça va être tout. On va avoir une petite boîte, puis une manette, puis on ne sait même pas à quoi qu'on joue. Fait que ça va être tout virtuel. J'aime ça parce que là, si ton internet tombe en panne, t'as pas d'électricité ou n'importe quoi, je sais pas, toutes ces affaires-là, ils chient. Puis ça, j'aime ça. Ben oui. C'est le piratage ou qui va venir embarquer. Il va avoir aussi les bugs parce qu'il y a mes amis qui étaient sur Origin, que lui, son compte a bugué et Origin avait plus de traces de lui. Fait que tous ses jeux, il les a perdus. Puis on parle, c'est 300-400$. Piratage, il est pour ça, là, pas fort. C'est souvent ça, les bébelles de même. C'est quoi, ça peut arriver aussi sur PlayStation, s'est fait pirater, il y a pas, PlayStation 3, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, effectivement. Ça arrive, on se fait voler, vous faites voler votre compte, mais vous venez perdre tous les jeux qu'il y avait dessus. Je vais donner la parole à Arcade, vas-y. Non, ben c'est vrai, c'est qu'est-ce que tu dis là, il n'y a pas, y a rien d'infaillible avec ça. C'est juste, je sais pas, là, pour le piratage, ça ne les empêche pas de pirater un jeu, il va toujours avoir une manière. Le piratage, non, c'est pas bon. Mais je lisais un article à un moment donné là-dessus qui racontait sur les quantités de pirates, de jeux piratés, à la fois musique et jeux. Non, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais est-ce que c'était vraiment des clients qui allaient acheter le jeu? Est-ce que ça joue vraiment avec leur chiffre d'affaires? Oui, c'est sûr, tu vois, exemple, un jeu qui a été piraté 1 million de fois, tu dis, hey, j'en ai perdu au moins un. Déjà un, c'est un trou. Mais sur ça, en as-tu vraiment perdu 1 million de clients? Ben non. c'est ça un petit peu qui... Le piratage va constamment en avoir. C'est un débat éternel. C'est un débat éternel, ça. Mais moi, les compagnies qui disent qu'ils perdent de l'argent avec ça, c'est l'argent qu'ils n'auraient pas eu parce que le monde, il ne l'aurait pas acheté de toute façon. C'est sûr qu'ils peuvent en perdre un peu, qu'il y en a certains qui ont été cherchés, qui l'auraient peut-être acheté, mais ils vont l'avoir gratuit. Mais la plupart, ils vont dire « Ah, ben je peux l'avoir gratuit, je vais me le pogner, sinon, tout bas, je m'en fous du jeu. » Ben, dès le début, des gens de boombox avec des radios cassettes, là, dès là, ils ont commencé à avoir peur. Ouais. Parce qu'ils avaient peur que tu pop ça, t'enregistres les musiques, tu passes des vieux albums, tu sais, des deux côtés. Écoute, là, la musique est-tu morte pour autant? Non, c'est juste, c'est comme ça, c'est un comportement. T'as un outil, ben, ok, je vais pirater. Ça s'est transformé, tu sais, c'est ça, la musique existe encore, mais là, ça... Les artistes ont trouvé des nouvelles façons de faire de l'argent, notamment avec YouTube. T'sais, on pense à Lindsay Sterling, par exemple, là, la violoniste que j'aime beaucoup. Oui. C'est YouTube qui l'a propulsé, fait que c'est ça sûrement change. Pas, ça change. Sûrement. Oui, puis ceux qui suivent pas avec, ben, ils vont mourir. Ben, c'est quoi la prochaine chose à tomber, d'après vous? C'est quoi la prochaine chose virtuelle qui va tomber? Là, c'est les clubs vidéo. Je sais pas comment ils font pour survivre. C'est encore une vieille habitude. Vidéotron sont mardeux d'avoir regroupé tous leurs centres là. On s'entend qu'avoir Microplay, avoir les cellulaires, avoir les Vidéotron pour les. Ils n'avaient pas le choix. L'abonnement télévisé, puis vendre maintenant les produits DVD. Il n'y avait pas le choix. Puis tu vois même. Tu vois la plupart des blockbusters, ils avaient essayé cette tactique-là, ça n'a pas marché. Non, mais parce que Vidéotron, c'est une grosse gimmick, là, encore plus gros que Blockbuster, à mon avis. Là. Ouais. Puis, ils ont fait une genre de patente, genre style Netflix, là, Vidéotron. C'est 29, là. Oui. Une fois, tu as un prix par mois, full pas cher, puis tu peux aller louer le nombre de films que tu veux. Là. Mais pas dans les Non, c'est ça, c'est des pas, vieux. Je suis pas Jean Loupeau, fait que je sais pas. Bien noté. Mais moi, c'est parce que j'ai pas le terminal pour l'écouter. Fait que, j'ai le modèle d'avant sur HD. Ils l'ont en terminal, puis ils l'ont aussi en club vidéo. Fait que tu peux aller pour 9,99$, tu as une sélection de presque toutes sauf leurs nouveautés que tu peux louer puis aller chercher indéfiniment, là, pratiquement. Là. Tu peux en louer, je pense, maximum de 3, puis tu peux retourner les ramener. OK. Mais c'est quoi la prochaine chose qui tombe? Les bibliothèques? Ouais. Mais c'est dingue, ça va prendre bien du temps. Ça va prendre rester encore très longtemps. Parce que c'est ça qu'ils disaient quand les ordinateurs allaient arriver, il n'y aurait plus de livres. Puis c'est même pas... Il y en a encore plein. Tu sais que comme par exemple les journaux, c'est. Ça va tomber. Ben, c'est en déclin, mais ça va-tu complètement tomber? Ben, avoir travaillé dans l'industrie de l'impression, là, je peux te garantir que oui. Parce que moi, j'ai travaillé là-dedans, et je peux te garantir que ça va éventuellement partir dans les 20 prochaines années. Principalement parce que le monde, ils vont chercher leurs nouvelles à la minute que ça sort, puis le journal, c'est les nouvelles d'hier, puis ils sont... Ben, what the fuck, je connais déjà les nouvelles. Mais là, sur leur tablette, là, ils sont capables d'avoir Journal de Montréal, puis la presse, tout ça. Oui, c'est ça, mais le journal papier va disparaître. Oui, c'est ça, oui, ça, j'y crois, ouais. Moi, non. Moi, pas moi. Parce que je connais bien du monde. Moi, je me fie à l'industrie de l'impression parce que j'ai travaillé là-dedans. Puis ça ferme comme à tous les jours. Là. Fait que... Ouais, c'est un nouvel équilibre. Moi, je pense que c'est un nouvel équilibre qui est en train de se placer. Là. Genre, check dans les transports en commun. Jug, je sais pas si tu prends les transports en commun, mais. C'est de la merde à Québec, c'est de la merde. on veut pas des voies réservées. À Montréal, là, le métro. N'importe qui à Montréal a certainement vu le nombre phénoménal de journaux qui se passent dans le métro. Ils engagent du monde. Pis oui, ils donnent. Ça marche, là. Ben, le 24 heures, là. 24 heures. Le 24 heures et le métro. Il y en a deux, là. Il y en a deux. Le métro et 24 heures, oui. T'as même du monde qui apporte le Époque, là. Qui est un journal très santé gauche, là. Qui vous donne à certaines portes de métro parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour pouvoir en donner. C'est quoi l'itinéraire? L'art itinéraire, ça s'appelle l'époque. L'époque. Moi, il y en a un une fois de temps en temps, genre les mardis qui est là où c'est un journal, mais il est comme tu sais, ça paraît que c'est de la propagande. C'est pas de la propagande, mais tu sais, c'est comme ils sont toujours anti-boss, anti-droite pis tout ça, là. Fait que. Mais avec le 24 heures puis le métro, qu'est-ce qui est plate, c'est que tes voix, là, puis avant que le métro y passe, ils sont déjà tous dans le bac à recyclage, puis ils partent. Mais je présume que le paquet de publicité qu'il y a dedans paye pour le journal, ou sinon il ne serait pas une quantité énorme de gens à distribuer. Mais non, c'est sûr. On le sait tout, que t'as déjà, puis tu lis plus, là. C'est comme une page par section. Toi, Aude, de ton côté, qu'est-ce que... Mais moi, ce qui me manque surtout, c'est que c'est des souvenirs d'enfance quand je vois des films, tout ça, là. C'est quand j'étais petite, c'était l'ambiance d'aller louer un film la fin de semaine ou bien un jeu vidéo. Puis là, t'étais comme tout énervé quand t'étais petit, là. C'est la nostalgie qui vient avec ça, qui va me manquer plus que l'action en tant que telle d'aller louer un film aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais... La nostalgie de passer le temps au club. Juste l'enfance qui va me manquer, finalement. Que... Finalement, un film, je peux l'avoir quand je veux sur Internet, là. C'est ça. Et, antithèse, toi? Toi, t'as déjà passé pour... Ah, ok, excuse. sinon, en finissant... Ouais. Ah, c'est toi qui a pas parlé, en fait, Ben. moi, de mon côté, qu'est-ce que ça va me manquer? Ça va me manquer la culture du club vidéo. Ouais, tu sais, le prestige d'aller dans une place qui, avant, t'aimais beaucoup aller, et là, tu te rends compte à quel point que c'est comme vraiment changé, et pas forcément pour le mieux. C'est ça, tu sais, on... Quand t'allais là, t'allais passer du temps pour apprendre à les films, à voir les... T'sais, d'aller voir les films VVS, c'était quoi les nouveaux films VVS poche? T'sais, genre voir les nouveaux films de Van Damme, même quand ils étaient plus populaires, pis que... T'sais, c'est quelque chose qui vous manque dans un sens, là, t'sais. C'est ça que je trouve plate, là. Ça me manque. Oui, à cette heure, j'ai Netflix, c'est le fun. J'ai plus affaire à sortir dehors pour aller me chercher un film. Pis Netflix, c'est vraiment génial. Mais ça vraiment... Ça me manque d'aller sortir. Pis, veux pas, je me suis même fait des amis en rentrant dans les clubs vidéo. J'ai rencontré du monde, j'ai connu du monde en allant dans les clubs vidéo. Puis j'ai discuté avec eux autres, puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à jouer à Magic à cause que j'allais dans un club vidéo. Nice. Pour vous dire à quel point, là. Fait que c'est pour vous dire à quel point ça m'affecte énormément. Tout le monde a déjà eu ces soirées que tes amis venaient chez toi, fait que vous avez le droit d'aller louer un jeu pour votre soirée, tout ça pour vous retrouver à peu près 5 là-bas, puis jamais personne n'était d'accord sur le même jeu, puis ça passait une heure. C'est ça. Petite question, est-ce que, ok, mettons que ça ferme pas les clubs vidéo, est-ce que vous consommez du club vidéo, est-ce que vous louez vos films au club vidéo, est-ce que vous louez des jeux ou vous allez directement acheter vos jeux et checker des films sur Internet? Est-ce que vous utilisez les clubs vidéo encore? Personnellement, non. Je loue beaucoup moins qu'avant. J'y allais avant parce que récemment, j'y vais encore, mais beaucoup moins. Depuis que j'ai le câble, sérieux, je vais beaucoup moins. Et tout simplement parce que des fois, là, genre, les films qui me sortent, là, je suis comme, non, j'irai. Soit je vais l'écouter en cinéma ou ben je vais aller l'acheter. Fait que dans le fond, on a la réponse un peu. C'est ça. T'sais, sinon, les films qu'ils nous offrent, des fois, c'est Sharknado. C'est horrible. S'entends-tu que ça a l'air horrible ou bien Human Centipede? Non, ça l'est. T'sais. Fait que t'sais, on s'entend-tu que ça me donne pas le goût d'aller louer un film, là? Non, mais moi, pour ma part, je loue plus vraiment de films. C'est, t'sais, avec YouTube, là, t'as juste pas assez de temps pour voir tout ce que tu voudrais voir. Parce que sur YouTube, là, du stock de qualité, il y en a, il est gratuit, pis t'as pas besoin de te lever, de sortir de chez, t'sais. Mais ouais. C'est pas mieux si tu vis l'expérience par toi-même, pis carrément dans ton intimité la meilleure possible, soit dans ton sofa, pis devant ta grosse TV ou whatever. Quoi? c'est quoi la question? Pis dans tout... non, excusez-moi, là, je suis distrait par ce qui est dans le chat. Parce qu'on a un chat privé qu'on s'écrit des fois. C'est ça, là, je suis distrait par en même temps, là, ben, j'ai fait trop chaud en même temps. Là, j'ai intervenu dans ce que Alpha disait, par rapport à ce que Alpha venait de dire en plus. Là, Alpha, il pétait sa bulle. Faut croire. Désolé, Alpha. J'ai pas compris ce que t'as dit, c'était... C'était comme des mots sans trop de lien. Des mots. Des mots. Bien intéressante. Fait que c'est ça. on vient de conclure ça comme quoi que... Hey, écoute, wow, moi j'ai pas dit mon opinion, moi encore. On vient de conclure ça, fuck Jug, là, rien à faire. Non, pas fuck Jug, Jug va parler d'abord, puis ensuite, moi, on va parler. How's that? Arcade Rétro, en passant, t'es en train de vouloir prendre ma job, là? Non! Hein? Je pense que ton initiation à toi va être plus... plus ben, des autres, hein? Shadow, là. Et ok, là. Je vais arrêter de parler. Juste un gamer, vas-y. Ben, moi, que les clubs vidéo n'existent plus, ça me dérange pas ben ben. Les choses évoluent dans la vie, puis à un moment donné, il faut tourner la page, puis quand la page est tournée, on passe à autre chose. Puis, éventuellement, on revient à des vieux trucs qu'on aimait avant, comme à un moment donné, les jeux vidéo, on tournait la page, puis là, on revient 10-15 ans plus tard, on se dit « Hey, c'était donc bien cool dans ce temps-là ». Il va peut-être avoir quelqu'un qui va partir, genre le seul club vidéo ever, tu sais, dans 20 ans. Puis là, ouais. Tout le monde va, ah, c'est dommage cool, puis louer genre un jeu de Nintendo 50 cents. Le monde irait juste par nostalgie, on s'entend, là. T'sais. Ben oui, tu sais, ben, pour moi, c'est, tu sais, la technologie a évolué. À cette heure, moi, Netflix, je peux checker le nombre de films que je veux quand je veux, puis si le film n'est pas bon, je l'arrête, puis je change de film. T'sais, avant le club vidéo, ben j'allais louer le film, c'est un film pas bon, mais Chris, on va l'écouter parce que j'ai payé pour. Ça me tente pas de retourner au club vidéo. Non, c'est ça. Comprenez, là. Mm-hmm. Puis, t'sais, quand tes parents ils t'amenaient louer un jeu vidéo, t'arrives à la maison, le jeu était pas bon, mais just too bad, mon kid, mais tu vas jouer au jeu, si j'ai payé, je retourne pas. Là. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est plus comme ça, puis moi, je pense que ça a fait son temps, puis c'est ça. On passe à autre chose. C'était un bon souvenir, mais ça évolue. On a YouTube maintenant. Ben oui, YouTube, c'est ce que j'écoute beaucoup plus de channels YouTube que n'importe quoi d'autre. Là, ben c'est ça, exactement. Ça change. On est maintenant rendu au user-created content. Voilà. Bien. Moi, ce qui me fait peur, pas par rapport aux films, parce que les films loués, je sens que ça va rester quand même plus longtemps que les jeux. J'ai cette impression-là. Mais c'est parce que les jeux, ce que j'ai peur, c'est justement ce qui arrive avec PlayStation Now, que on va tout faire disparaître ça, puis ça va tout devenir du virtuel. Là. Parce que ça s'enligne pour ça. Ouais, c'est... mais là, on parle de la location. Là. Moi, je parle juste de la location. Je parle pas on parle de la location de jeu aussi, là, qui parle, lui. C'est ouais. Ça, c'est parce que si on perd tout cette affaire-là, ça va venir que le monde... OK, ben regarde, tu sais, déjà, louer, c'est limite encore. Mais si ça vient que... Pour défaire, parce que là, c'est ça, les compagnies essaient de défaire ça, les locations de jeux vidéo puis tout ça. Fait que, eux autres, en voulant défaire ça, ils vont s'y mettre ça virtuel, comme ça, les compagnies ne pourront plus le faire. Ils pourront plus parce que les jeux que le monde loue, ils sont licenciés. Là, comme le Super Club Vidéo, ça, c'est une licence qui paye la compagnie pour faire le jeu. Ouais, mais les autres, ça rapporte pas plus d'argent non plus. Fait que les autres, ils pensaient ça, ça va être quand même rentable parce que, mettons, gars, Super Club Vidéotron, ils ont 10 versions de Metroid Prime, mais 40 millions de versions, ça, c'est payant en esti pour Nintendo. Là. Je veux pas. Ils payent une licence au mois pour chaque mois qu'ils l'ont. Dernière question avant qu'on embarque avec les commentaires de nos fans. Mais c'est pas grave, avec ta question. Hein? On va poser la question, Ben. Je t'ai posé la question, tu m'as dit de je t'avais demandé pour la question. Pour l'autre affaire, c'est un peu ça. Pas pour si ça allait me manquer. Il se rebelle. Ok. Vas-y, antithèse. C'est effrayant. Ouais, non, mais ouais. Tu m'as déjà dit que t'étais mon bêta. Ouais, mais ça va arrêter, ça, justement, cette gimmick-là, malheureusement. T'sais, pour me faire, on va faire appeler bêta dans la rue. on va arrêter les frais, je pense. Il a sûrement découvert aussi que se faire frapper, ça fait mal. C'est plus moi quand je frappe, les gens aiment pas ça, je sais pas pourquoi. Non, moi, un petit peu différent de vous tous, ça, c'est sûr que ça va me manquer, c'est sûr que ça va me faire un de quoi sur le cœur si effectivement les clés vidéo quand ça a fermé. Tu sais, les blogs, d'avoir vu Blockbuster puis Super Choix faire faillite les fermer, c'est qu'en fait, et shit, ouais, les temps changent. Mais, je suis d'accord avec Jug là-dessus. Écoutez, il faut accepter de tourner la page. Fait que dans le fond, au final, faut accepter les choses telles qu'elles sont. On n'a pas toujours le contrôle. Ben, il y a une place. Alors, après, il fait un silence awkward parce que Ben s'est muté lui-même. Il mettra une petite musique triste là après ton speech. Un petit violon. Non, je pensais mettre la toune. Voyons. Des ballons. Des ballons. En passant, restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir entendre la version des ballons chantée par Alpha. Ça d'accord, ça vient de notre tune thème, ça. Dernière question, je vais poser à tout le monde et je veux savoir quel est votre pire souvenir de choses que vous avez louées au club vidéo, le pire film ou le pire jeu que vous avez loué dans un club vidéo. Oh boy, hey. C'est beaucoup parce que. Voyez-vous, je commence. Ouais, commence. Ouais non. Les hommes en blanc. Qu'est-ce que c'est ça? What? What? National Lampoon Men in White. C'est un rip-off de Men in Black fait par le National Lampoon, la gang qui ont fait Van Wilder et... Ça tombe de l'air mauvais. Et j'ai ri une fois et le restant, je me suis endormi sur le film. Et c'est la seule fois que je me suis endormi sur un film. La joke qui est bonne. Tu sais, les Men in Black, ils ont toute une sorte de lumière pour effacer la mémoire du monde. Ouais. Ouais. Et ces gars-là, ils en trouvent un. Sauf que c'est des niaiseux. C'est des caves. Fait, ils regardent la cossin, ils disent « Hey, je sais pas c'est quoi. Ah, oh, je sais pas. Hey, il y a un piton, pèse dessus. » Et c'est face à la mémoire. Non. « Hey, man, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, je sais pas. Hey, pèse dessus. » C'est de même, ouais. Jusqu'au petit matin, jusqu'à temps que la batterie tombe à terre. C'est la seule bonne joke que j'ai vue. Le restant, c'était de la merde. Je me suis tant emmerdé solide. Tu sais, il y en a des bons films qui sortent directement en DVD, mais celle-là, là, c'était plate. Ah. Moi, c'était d'avoir loué Tabou de Sixth Sense au NES. Oh boy! Hey, ça a dû été la fin de semaine la plus pénible de ma vie. Hey, hein? Tu me connaissais pas, mais t'as sûrement dû te dire « fuck ma vie » une couple de fois. Probablement, oui. Mettons que j'étais en temps, mais tu sais, ça a vraiment cool. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais on disait ça de quasiment tous les jeux qu'on voyait. Là. Ouais, ça c'est un vet. Fait que là, tu prenais, c'est arrivé chez vous. J'ai déjà joué. Je le mets dans le NES. OK, ça commence. Là, okay, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des cartes. OK, c'est tout. Désespoir. Mais là, on retourne pas au club vidéo, là. T'as pris, t'as choisi ce jeu-là, tu joues avec. Fuck ma vie! Fuck sa vie! Ça se rate pas, il est fait. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se souvient du pire chose que vous avez loué? My God! T'es encore en train de chercher. Moi, c'était un anime. En fait, genre, je pense que c'était The Devil City Ijoku, mais après, c'est quoi le titre exact? Je sais que c'était horrible. C'est tout ce que je me rappelle. J'ai ici Jonathan Gaudreau qui dit que le pire film qu'il a loué, c'était Dead Girl. Et je me souviens du film, juste de la pochette puis de l'histoire, genre, que le monde me disait. C'était une fille, genre, qui se fait transformer en zombie, puis que les gars ont décidé d'attacher, puis qu'ils se mettent à fourrer le long du film. Okay. C'est ça le film. Ok, c'est du viol nécrophile. Ouais. C'est ma favo. What the fuck? Ça s'appelle Dead Girl. Ok, c'est un film de porn ou quoi? Non, c'est pas un film de porn, c'est un film qui a 16 ans et plus, mais... Bon, ben, prochainement, le cinéma maintenant va faire la review de Dead Girl. Alors, moi je me souviens de l'avoir loué, mais je me suis... T'sais, tu l'as loué? Non, qui ont déjà loué Human Centipede, tant qu'à ça. Non, j'ai jamais voulu le regarder, ce film-là. Je savais même pas que ça existait. De quoi? Dead Girl, je ne savais même pas que ça existait. Non, Human Centipede. Ah oui, je sais. Ta marde, ça. Fuck off, là. Fuck that movie. Ça a l'air tellement mauvais. Je sais pas, j'ai tellement pas envie de l'écouter, là. C'est genre, la liberté d'expression est en jeu à cause de ce film-là. De l'existence de ce film-là. Mm. Et de sa suite. J'ai ici Super Dark Zane qui dit que le pire pour lui, c'était Mario Missing Time. Time is Missing. Ouais, c'est vrai. Moi, ce jeu-là, je ne l'ai pas loué, mais je l'ai reçu à Noël. Ah, ok. Et tout énervé. Oh my god, un jeu de Mario pour Noël! Je me sens un Nintendo. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et boy, c'était pénible. Est-ce que tu connaissais bien l'anglais à l'époque ou. Ben non, j'avais 7 ans. fait que finalement... non, je veux pas triper. fait que c'est ça, on va aller voir les fans, qu'est-ce qu'ils nous jasent. Ben oui. Hein, parce que Loïc qui dit le pire pour lui c'était Fantasia sur Genesis Mega Drive. Et ben, comme c'est... film c'était Nicky Larson. Nicky Larson. Nicky Larson. Nous on n'a pas connu ça ici. Je sais pas c'est quoi, non? Ouais, c'est quoi? C'est une anime japonais, une série d'animation. Plus ou moins. Ben le joueur du grenier en parle dans une de ses vidéos sur les. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Sinon, à part ça. Philippe Saint-Jean a dit Battleship c'était nul, mais My Little Pony est devenu un classique. Chacun son goût. Shut up. Mettre un bémol là-dessus. Là. Un autre de mes. Moi, de, justement, en parlant de ça, un de mes films que j'avais le plus détesté, que j'avais loué, le plus déçu. C'est récent, c'est Prometheus. Moi. Le c'est quoi ça? Le prequel d'Alien, tu parles? Oui, ouais. J'ai été horrifié par ce film, comment ça a été mal fait. Hein? Je trouve qu'il a été mal fait, pour moi, mon opinion à moi, je trouve premièrement que les personnages étaient tellement stupides que je criais après eux autres. Tellement les niaiseries qui se passent dans le film. Là, je me répète, là on parle du prequel de la série Alien. Oui. Hein? Parce qu'il y a d'autres films plus obscurs que ça. Le prequel qu'il a fait, qui est sorti. C'est ça, celui qui n'est pas sorti il n'y a pas longtemps par Ridley, je pense. Oui, c'est Ridley qui l'a fait. C'est ça le pire. Mais c'est parce que. Je vais donner juste un exemple, ça ne spoilera pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a deux gars qui, à un moment donné, qui partent tout seuls parce qu'ils ont eu la chienne. Je ne dis pas pourquoi, mais ils sont partis tout seuls. C'est eux qui ont la carte. Qui ont l'affaire pour scanner, et le vaisseau voit en tout temps, ils sont où? Ils se perdent. Est-ce que le vaisseau les a perdus? Hein? Non, les vaisseaux le voient, ils sont où tout le temps? On les voit sur la map, et c'est eux qui ont le système de cartes. Ça m'avait. Ouais. J'étais en maudit, c'est que. Il y a eu trop d'incohérences dans ce film-là, que ça a été le film que je me suis rendu jusqu'à la fin, puis ça a fait. Ça m'a réfléchi, c'était de l'argent perdu. Complètement. un deuxième sort, je pense, cette année en passant. Je sais, ça me fait peur. Ça, Lord of the Rings au Super Nintendo, c'était pas super bon. Hein? Je sais, c'est ma première critique que j'ai faite de ta vie. J'ai loué ça, là, Lord of the Rings. Tu sais, les films n'étaient pas sortis encore au Super Nintendo. J'avais entendu parler de ça. Il avait fait un vieux film en animé un peu. On allait me dire, oh, c'est un genre de. Ok. Hey, tes personnages, ils crèvent, puis ils crèvent pour tout le temps. Là. C'est comme les petits hobbits avec des capuchons. Puis là, ils sont laids, ils ont des couleurs. On dirait même pas qu'ils ont des épées, ils ont comme des baguettes, puis ils swingent lentement. Je mourrais, c'est une location, je mourrais par des petits serpents puis des chauves-souris au début du jeu. J'ai jamais vu. Apparemment, il y avait Legolas, il y avait Cantal. J'ai jamais vu ces personnages-là. Ton bonhomme crève. Ça, tu peux pas, t'as pas de Phoenix Down, il meurt, il est mort, là. Hey, c'est intéressant, ça. Ça le brise un gameplay, ça. Tu me donnes des idées. Prochainement, dans Super Alpha, dans Lord of the Rings, Super Nintendo. Alpha, c'est ma bête noire en passant, fait que je l'ai ici en plus, je peux te le donner. Ok. Et c'est ma bête noire. T'as jamais joué? Non. Ah! C'est mauvais. C'est mauvais. Et puis c'est multiplayer avec un multitab. Hein. Ok. Oh boy! T'essaies-tu de t'incruster dans une vidéo, toi, là? Non, il y a juste deux bonhommes. Il y a juste trois bonhommes à la fois. Non, mais lui et Beta. Ouais, voyons, Ben. Ben là. Tu dis qu'il y a Midi-Tap, il peut se mettre 3-4. Il vient de dire 3. Oui, il y a trois bonhommes. Il y a trois bonhommes, hein, au Super Nintendo. Attends. Au pire, c'est pas grave, on le fera pas pour vrai, tu sais. Bah, ok. On va, je vais commencer avec Arcade. Comment on peut te contacter sur les internets? Oui, sur Arcade Retro sur Facebook. Mon lien aussi pour mon site est là, juste en dessous dans la page Facebook. C'est la place la plus simple pour pouvoir me rejoindre. C'est là que je suis un petit peu plus actif. Et c'est là que je regroupe tout mon matériel et je me tiens à jour là-dessus. Génial. Shadow, ton côté? Shadow. On a perdu Shadow. Alors, toute la soirée, le pauvre gars, on l'a perdu. Eh oui, pourvu. Tanuka, de ton côté, comment on peut te contacter sur Internet? Moi, c'est sur le site des accros et sur Facebook. Antithèse, comment on peut te contacter? On peut me contacter sur par email sur antythse@yahoo.ca ou gmail.com. Également, me contacter dans les page YouTube. La meilleure façon pour me contacter demeure sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Shadow, t'es de retour? Non. On est rendu à 3, Shadow. J'ai apparu, j'ai disparu automatiquement. Alors, Shadow, comment on peut te contacter sur les internets? Sur la page Facebook Shadows on Game et sur la page YouTube aussi et sur le forum que je vais m'inscrire des accros des jeux. Jog, comment on peut te contacter sur Internet? Alors, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook de Juste un Gamer et c'est G-A-M-E-U-R et non G-A-M-E-R, un gamer en France. Un gamer sur Facebook. Et puis sur le site des accrodejeux.com, alors venez en grand nombre poster plein de folies. Et puis on essaiera d'avoir des discussions un peu intéressantes. On va avoir des discussions intéressantes. Alpha de ton côté? Moi, vous tapez Tester Alpha soit dans Facebook, YouTube, Twitter, je suis un petit peu partout. Et puis, en principe, vous devriez être capable de me trouver assez facilement. Mais sinon, la meilleure des façons demeure sur le forum des accros des jeux. Je fais mon tour régulièrement. Yay! Et de mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me communiquer avec moi. Il y a d'abord le site internet des accros des jeux, accrodesjeux.com. Il y a également le Facebook des accros, facebook.com/accrodesjeux. Il y a aussi le Twitter, @commercialaccrodesjeux. Il y a également le courriel, et c'est le temps du courriel de la semaine. Oh yeah! Il a été envoyé par Monsieur Salissou Doghu. Oui. Monsieur Salissou Doghu qui dit « Nous offrons une très bonne solution à vos problèmes de financiers. » Alors, en général, on vous propose de vous faire des prêts bancaires. On vous propose de consolider vos dettes. Alors, ils vont nous donner un pourcentage de 3%. Et pour ça, ben il faut que j'y donne mon nom, mon pays, mon état, l'adresse, mon occupation, mon âge, le pourquoi je veux avoir un argent et le montant que j'ai besoin, puis comment je donne mon sexe. Écoute, la fois, tu réponds Alfred Delaire au 1, 2, 3, 4, que Street, et la sexe, tu réponds tout le temps. Et toi, tu marques sous. Oui. Alors, merci beaucoup, McDougou. J'ai pas besoin d'avoir d'un prêt bancaire, mais écoute, je suis sûr que les accros vont se faire un plaisir de te rire dans ta face si jamais ils voient ton courriel. Oui. Oui? Oui? Oui. J'ai simplement dit qu'on va très rire de... Ah oui, oui. Ah. Soyez avec nous la semaine prochaine parce qu'on va vous parler de... Pour le podcast des accros de l'animation, on va vous parler de Dead Battle! Tom, ta, ta, tom, ta, ta, tom, ta, ta, tom, ta, ta, tom. Alors, la série est créée par Screwattack qui met en scène des batailles épiques entre personnages du monde de la culture pop. Et écoutez-en quelques-uns et soyez présents avec nous la semaine prochaine parce qu'on risque d'en parler. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Alpha. Tanuka. seul occupé. Arcade Rétro! Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine! Salut! Bye bye! Bye bye! Ouais, avant de commencer, on a Richter qui dit « J'ai vu que Tester chante la légendaire chanson de Ballon. » Oh boy! Je sais pas c'est quoi. « Mes ballons sont doux et ronds, ils ont la couleur des bonbons. Jaune et bleu, c'est merveilleux, toutes ces couleurs me rendent heureux. Mais mes ballons, n'y touchez pas, vous aurez affaire à moi. Oh, » voilà. Il fait peur, Alpha! La toune des ballons. Il fait peur, Alpha! Il fait peur! Écoute, moi je ne fais que répondre à la demande.